بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hier on a commencé à lire ensemble les explications de une petite tafsir de surat Az-Zumar avec l'explication de Cheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhal et on a expliqué des versets yani, ça a commencé je pense à c'était de 65 à 74 dans Sourate Az-Zumar. Hein? En dernier, on a lu Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Alors Allah seul et soit du nom des reconnaissants. Donc, on va continuer l'explication des versets qui suivent dans l'explication dans qu'est-ce que le chef a. Récité Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Donc qu'est-ce qui suit dans qu'est-ce qui suit le cheikh il dit ثم قال في الكفار الذين يعبدون غير الله ويتخذون معه اندادا وللعصاة ايضا وما قدر الله حق قدره الله العظيم الجليل لو قدروه حق قدره ما عبدوا غير الله ابدا ولم يتخذوا معه أندادا بل لما عصوه إطلاقا فما يعبد غير الله ولا فلا يعبد غير الله ولا يعصي أوامره إلا الإنسان ما عظم الله ولا قدره حق تقديره وما عظمه حق تعظيمه وما أجله حق إجلاله. Donc il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des kuffars, ceux qui ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont pris des égaux et des seigneurs avec lui, et également il dit aux pécheurs, ils ne l'ont pas estimé comme ils devraient l'être, ou ils ne l'ont pas estimé comme ils le méritent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah mérite d'être estimé. Allah subhanahu wa ta'ala, le très grand, le majestueux, si les hommes l'avaient estimé et respecté comme il mérite, ils n'auraient pas adoré d'autre que lui. Ils n'auraient pas pris des égaux avec lui. Mais, yani, ils ne l'auraient même pas désobéi en plus. Ils ne l'auraient même pas désobéi en plus, mais puisqu'ils ont yani, adoré autre que Allah et désobéi à ses ordres, donc ça c'est le signe qu'ils ne l'ont pas respecté comme ils le méritent, parce que c'est seulement celui qui ne le respecte pas comme il le mérite qui lui désobéit, qui désobéit à ses ordres et qui adore autre que lui, et donc ils ne l'ont pas exalté comme il méritait. ثم برهن على عظمته فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تصور هذا الذي يقبض الأرض والسماوات بيمينه كيف يعصى؟ سبحان الله. الذي بلغ من العظمة والقدرة والربوبية والألوهية والجلال أن السماوات والأرض كحبة رمل في يد أحدنا فعلى الله عن الأمثال. كون كله في قبضته كل شيء يتضاءل أمام عظمته وجلاله فكيف يعصى هذا من شأنه. سبحان الله. Le chef il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite pour montrer sa grandeur et pour donner la preuve qu'il est le très grand et le plus grand, il dit et la terre entière il en fera une poignée de main au jour de la résurrection. Et il va plier les cieux dans sa main droite. Il va plier les cieux dans sa main droite. Donc il dit, imaginez, celui qui peut prendre dans sa main les cieux tout au complet, ainsi que la terre dans sa main droite. Comment est-ce qu'on peut, après avoir imaginé ça ou compris ça, comment on peut lui désobéir après? Comment on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala après qu'on ait compris que il fait une poignée de main avec les cieux et la terre. celui dans son état, hein, celui qui a une grandeur, une puissance, une souveraineté aussi grande, une majesté aussi grande qu'il est capable de prendre les cieux et la terre dans sa main, et que les cieux et la terre sont comme un grain de sel ou un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous, alors comment quelqu'un peut, et à lui-même, se permettre de lui désobéir après ça? Donc tout s'efface, hein, et tout s'écrase devant sa grandeur et sa majesté. Alors comment est-ce qu'on peut, après avoir su ces choses-là, continuer à lui désobéir? خلقك لعبادته وخلق هذا الكون وهذه قدرته وهذه عظمته وهذا جلاله كيف تعصيه كيف تعصيه وتجد الإنسان يخاف من إنسان مثله ويخاف من جندي ما يستطيع أن يخالف أوامره جندي مثلك مخلوق يبول ويتهوط ويمرض إلى آخره وتخاف منه ولا تخاف الله عز وجل هذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبره والسماوات مطويات بيمينه والأرض في قبضته كيف تعصيه سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il dit, comment tu peux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Un être humain comme toi, t'as peur de lui. Un être humain comme toi, t'as peur de lui. Un soldat, hein, il t'ordonne quelque chose, tu vas pas le désobéir. Tu vas pas contredire son ordre. Alors que c'est un être humain, un soldat, mais c'est un être humain comme toi qui est créé, qui urine et qui va aux toilettes et qui devient malade et qui tombe malade comme toi, hein, et t'as peur de lui. Mais t'as pas peur d'Allah, Azza wa Jal, celui qui est, hein, ce très grand, celui qui a créé tout dans l'univers, celui qui contrôle toutes choses et qui plie dans sa main droite les cieux et qui fait de la main, qui fait de la terre une poignée, comment peux-tu lui désobéir? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. نزه نفسه كيف تتخذون معه أندادا من الأصنام المنحوتة التي تصنعونها بأيديكم من الأحجار ومن الحيوانات فيه ناس يعبدون القرود والخنازير إلى غير ذلك قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لظلوم كفار إلا الله المشتكى سبحانه أي تنزه عما يشركون شرك الربوبية وشرك الألوهية وهناك ناس يقولون نحن مسلمون ويدعون في مخلوقين ضعفاء مثلهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويكشفون الكروب هؤلاء المنتمين للإسلام كيف بالنصارى فكيف بالنصارى واليهود والوثنيين وما قدروا الله حق قدره Donc, le Cheikh, il dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir dit ça dans le verset, il dit, gloire à lui, subhanahu. Et on traduit subhanahu en arabe, quand on dit en arabe subhanahu, on traduit par gloire à lui. Mais la réalité, c'est que subhanahu, ça ne veut pas dire seulement gloire à lui, ça veut dire qu'il soit purifié et qu'il soit exalté de tout ce qu'on lui attribue comme défaut ou imperfection ou faille ou faiblesse ou quoi que ce soit, qu'il soit exalté de ça, qu'il soit purifié de ça, hein? Donc qu'il soit exalté et élevé et exalté de tout ce qu'il lui associe dans leurs adorations, dans le shirk qu'ils font. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'exalte lui-même et se purifie lui-même de ce qu'ils prennent comme idole, de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah comme idole, qu'ils sculptent eux-mêmes avec leurs propres mains et qu'ils fabriquent eux-mêmes avec leurs mains à partir de la pierre, hein, ou bien à partir des animaux. Donc il y a des gens qui adorent les singes, il y a des gens qui adorent les porcs, il y a des gens qui adorent toutes sortes d'animaux. Et il mentionne, yani le verset qui dit قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ, que périsse l'homme comme il est ingrat. Comme il est ingrat. Inna l'insan ala zaloum kaffar. L'être humain est certes injuste et yani, ingrat, hein, il renie les biens et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah qu'on se plaint, subhana, donc Allah il se purifie lui-même, amma yushrikun, il se purifie du shirk que les hommes font, hein, dans leur croyance et dans leur pratique. Le shirk dans la rububiyya, c'est-à-dire dans la seigneurie, les attributs des seigneurs ou des maîtres avec Allah. Ou bien le shirk dans al-uluhiyya, le shirk dans l'adoration que les gens font. Mais il y a des gens qui disent, nous on est musulmans. Et ils prétendent qu'il y a des hommes faibles comme eux, mais qui connaissent le rêve et qui connaissent l'invisible. Le shaykh il dit, il pense que, hein, il croit que ces hommes-là peuvent contrôler l'univers avec Allah. Et qu'ils peuvent les libérer et les délivrer des malheurs dans lesquels ils sont, et ces gens-là se disent musulmans. Hein? Donc ils font le shirk. Alors il dit, que dire dans ce cas-là des chrétiens et des juifs, hein? S'il y a des gens qui se disent musulmans, qui font ce shirk-là, qui croient qu'il y a des hommes qui connaissent le rêve et qui contrôlent le monde, alors que dire des juifs, que dire des chrétiens, que dire des idolâtres? Donc ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être. Et il dit ensuite, وقال تبارك وتعالى مخبرا بمآلي هذا الكون ونهايته ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. Il dit, مخلوق من المخلوقات الله يبلغ من القوة أن ينفخ نفخة واحدة فيهلك كل من في الكون إلا من شاء الله. Donc, le shaykh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la conclusion et la destinée de cette création que Allah a créée. Et il nous dit, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Hein? Donc, ils vont tous être foudroyés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les créatures d'Allah, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement avec ça, tellement il est fort. Non, on va souffler là-dedans. Hein, on va souffler dans la trompe. Et c'est l'ange qui, hein, souffle dans la trompe. Allah, il a créé un ange. Depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, il est comme ça. Il est créé juste pour souffler. Et il attend jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps, l'ordre d'Allah pour qu'il souffle. Hein? Subhanallah. Et donc, quand l'ordre va venir, il va souffler avec une force tellement grande, un seul coup, tout ce qui est dans l'univers va être détruit. Excepté ce que Allah a voulu. Il dit, Ma ad'af l'insan, ma ad'af al-makhlouqat amama azamatihi. Il dit, comme l'être humain est faible. Comme les créatures sont faibles devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وهذا المخلوق إسرافيل عليه السلام ينفخ في آلة الصور فإذا بهم قد هلكوا. Donc l'ange en question qui va souffler, c'est Israfil. Il s'appelle Israfil cet ange. Et il va souffler dans cet instrument, hein, as-sour, et voilà qu'ils vont tous périr. Hein, toutes les créatures, excepté ceux que Allah a voulu. فهذه نفخة الصعق وقبلها نفخة الفزع وتأتي بعدها نفخة البعث نفخات ثلاث نفخة الفزع قوله تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فالصعقة كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يموتون كلهم الملائكة والإنس والجن إلا من شاء الله قالوا المستثنى هم الشهداء لأنهم أحيا عند ربهم لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل الله فيكافئهم الله بهذه الحياة. Donc le cheikh il explique que avant le souffle, le coup de trompe du foudroiement, il y a un autre coup de l'effroi, le coup de l'effroi, hein, qui va donner la peur et la crainte à toutes les créatures. Et ensuite, il y a un troisième coup qui est après, qui est le coup de la résurrection. Hein? Le troisième coup, c'est les âmes qui reviennent dans le corps et les hommes qui sortent de la terre. Donc, il dit ces trois coups de trompe. Donc, le coup de Nafratul Faza, de la crainte ou de l'effroi, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Toutes les créatures dans les cieux et dans la terre seront pris d'effroi, excepté ceux que Allah a voulu. » Le deuxième coup, c'est le coup du foudroiement. Et tout ce qui est dans les cieux, comme les anges et les hommes et les djinns, vont tous mourir, excepté ceux que Allah a voulu. Et le cheikh, il dit, l'exception dans le verset, sauf ceux que Allah a voulu, illa man sha Allah, ça c'est les shuhada, c'est-à-dire les martyrs. Les martyrs, ceux qui sont morts dans la cause d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Hein? Et étant donné qu'ils se sont sacrifiés en donnant leur vie et leur âme dans le sentier d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner, va leur garder leur vie à ce moment-là. Eux, ils ne vont pas mourir. وَبَعْدَهَا نَفْخَةُ الْبَعْثِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Donc après, il y a le coup de la résurrection. Donc on souffle dans la trompe encore une fois, et là voilà qu'ils sont debout en train de regarder et ils attendent le jugement. فَيَهْلَكُ النَّاسِ مِنَ الصَّعِقَةِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَالطَّلِ 40 سنة أو كذا ثم لما تتكامل الأجساد يأمر الله بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها بنفخة واحدة من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون وهذا برهان على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que lorsque il y a le coup du foudroiement, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber une pluie, et cette pluie là elle va tomber pendant 40 ans, et c'est ça qui va faire, cette pluie là qui va faire reconstruire les corps morts dans la terre. Cette pluie, elle tombe sur la terre et elle fait recréer les corps des hommes qui sont déjà morts dans la terre. Et après le dernier coup de trompe, là, les âmes retournent dans leur corps, hein, parce que les âmes sont dans la trompe, la dernière, le coup de trompe, quand il souffle l'ange, eh bien, toutes les âmes partent et retournent à leur corps respectif dans lequel elles étaient, dans la vie d'ici-bas. Et il mentionne les hadiths à ce sujet-là. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, an Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna nafkhatayn 40. Donc c'est pendant 40 ans que cette pluie va tomber et que les corps vont être recréés. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux coups de trompe? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 ans. Qalu ya Abi Huraira, 40 yawman, parce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40. Il n'a pas dit 40 quoi? Alors, ils ont demandé à Abu Huraira, est-ce que c'est 40 jours? Qala abaytu. Qalu 40 shahran? Qala abaytu. Qalu 40 sana? Qala abaytu. Donc, il a dit pendant 40. Et c'est pour ça que le cheikh, il a dit 40 sana ou kaza. Donc, on ne sait pas si c'est 40 jours, 41 ou 41. Ce n'est pas spécifié, mais c'est 40. Et après, il a dit, ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Donc ensuite Allah va faire descendre du ciel une pluie, et les hommes vont se recréer comme une germe, comme une oignon quand il commence à germer. Donc il va se recréer, l'être humain, il va être recréé comme il était la première fois. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. Il dit que yani, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout de, yani, tout de, la, de l'être humain est dévoré par la terre, excepté un os, hein, qui s'appelle en arabe Ajbu al-Zanab, et c'est à partir de cet os-là que le reste du corps de l'être humain est recréé au jour de la résurrection. Et il dit ensuite, wa rawa Muslim an Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور أو ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق الناس حوله ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الذل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc c'est les hadiths qui relatent les événements justement comme on a expliqué, yani les coups de trompe et qu'est-ce qui va arriver. Allah va faire descendre une pluie et les corps vont être recréés, puis ensuite il va souffler encore une fois et les voilà qu'ils vont être ressuscités. Et donc ça c'est une preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et il explique ensuite, il dit فَإِذَا عَدَتِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا دَنَ الْفَصْلِ فِي الْقَضَى. Donc lorsque les âmes retournent à leur corps, c'est là que s'approche le jugement, hein, et la, yani, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا تَتَجَلَّ الْأَرْضُ بِنُورِهِ وَجَلَالِهِ سبحانه وتعالى يقضي بين العباد يأتي بالنبيين والشهداء يأتي بالأنبياء فيشهدون على أممهم ويأتي بالشهداء من الملائكة يشهدون على الناس بما قدموا في هذه الحياة من أعمال صالحة أو طالحة وأعمال خير وأعمال شر لا يظلمون مثقال ذرة وتدنو الشمس من الناس وهم في الموقف حتى ما يكون بينهم بينها وبينهم إلا مقدار ميل. Donc le cheikh dit les âmes retournent dans le corps et le jugement commence, et là Allah subhanahu wa ta'ala illumine la terre par, et la terre est illuminée par la lumière de son Seigneur, c'est-à-dire que la terre est illuminée par sa lumière et par sa majesté subhanahu wa ta'ala, et il juge entre les hommes, et viennent les prophètes et les témoins. Les prophètes viennent et les prophètes témoignent, hein, contre leur nation, contre leur peuple. Et viennent ensuite les, comme témoins également les anges. Et les anges portent témoignage contre les hommes aussi. Et ils mentionnent ce qu'ils ont fait dans cette vie comme action, que ce soit des bonnes ou mauvaises. Et ils ne sont pas lésés, même pas dans le poids d'une atome. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur fait même pas une graine ou une atome d'injustice. Et à ce moment-là, le soleil est rapproché de la tête des hommes, alors qu'ils sont sur le mawqif, sur l'endroit où ils sont debout en train d'attendre le jugement. Et il y a juste la distance de al-mil entre le soleil et eux. وقال الراوي لا أدري ميل المكحلة يعني الصغير أو ميل المسافة. Donc celui qui a transmis le hadith, il dit, je ne sais pas si c'est le mil qui est utilisé pour mettre le kulh dans les yeux, hein, le bâton là, le mikhala, ou bien si c'est le mil, la distance. Et il dit, yanzilu bin nas min al-ahwali wal-kuroubi ma la ya'lamuhu illa Allah. Et donc les gens sont dans la détresse à ce moment-là, et la terreur, et personne ne sait cette terreur et cette détresse excepté Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَأْتِي Allah subhanahu wa ta'ala لِفَصْلِ الْقَضَى فَيُحَاسِبُ عِبَادَهُ وَتُمْصَبُ الْمَوَازِينَ. Donc Allah vient pour juger entre les serviteurs et il juge entre ses créatures, et on établit, on installe les balances. Allah subhanahu wa ta'ala a fait installer les balances. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait une atome de mal ou de bien, il va le voir. Et celui qui a fait une atome de mal, il va le voir. بعد ذلك يساق الكفار إلى النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زبرا. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala amène les kuffars en enfer et ils sont tirés vers l'enfer par groupe. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant عليكم السلام ورحمة الله وبركاته et regardant d'un œil furtif. Tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui, au jour de la résurrection, font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront aucun protecteur en dehors d'Allah pour les secourir et quiconque Allah égare n'a plus de voix. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفيكم بركه.